seen her so many times over the years, and this is a privilege to be on the same stage as her. Bonsoir chers auditeurs de Radio Galère, bienvenue dans la nouvelle émission Débattons dans Guirou. Bienvenue à vous cher Brett. Bienvenue Manuel. Ce soir nous sommes réunis pour un match du championnat d'Espagne. Le FC Séville accueille le Real Mallorca. Mais nous sommes aussi réunis pour une thématique tout autre. Ce soir nous allons parler des stades et d'art contemporain avec un dispositif un petit peu chamboulé mon cher Brett. Oui, bonsoir. Un dispositif un petit peu inédit. Ce soir, nous aurons au stade, en direct de Séville, l'éternel Magic, l'homme au crochet magique, et qui pour une fois sera accompagné du docteur Lehmann. Le local de l'étape. Le local de l'étape. Et puis c'est comme un petit peu comme l'armée. Il faut qu'elle pratique, sinon elle rouille. Et le docteur Lehmann, en tant que géostratège, doit se déplacer. Et en tant qu'invité prestigieux ce soir, nous avons un invité de marque. Oh là là, oui. Ce soir, nous accueillons Luc Gendeur. On le présentera un peu plus tout à l'heure, mais on peut déjà vous dire bonsoir, Luc. Bienvenue. Bonsoir, merci. Et tout de suite, je crois que, mon cher Brett, nous allons rejoindre le stade de Séville, car nos amis ont des choses à nous dire. D'abord, ce match vient de démarrer, et je crois que... Contrairement à d'habitude, sur le thème de ce soir, ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Bonsoir. Vous nous entendez au stade? Oui. Est-ce que vous nous entendez bien? Bien sûr. On vous entend bien, oui. Bien sûr, Magic, bonsoir. Magnifique, bonsoir. Nous sommes au stade Ramon Sanchez Pizjuan de Séville avec mon ami... le docteur Lehmann, bonsoir. Le match est parti sur des chapeaux de roue, mes amis. C'est un corner pour l'instant, une petite talonnade, une frappe et la balle qui passe juste à côté. Il y a une ambiance de feu là ce soir ici. Donc nous sommes très contents. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue pour suivre ce match là. Voilà, écoutez, le 3 minutes et 47 secondes de jeu, toujours 0-0, mais je sens qu'il va se passer des choses ce soir à Séville entre le FC Séville et le Real Mallorca. Je vous en parlerai tout à l'heure, mon cher Lehmann. Bonsoir mon cher Magic, bonsoir chers auditeurs, bonsoir mon cher Brett, mon cher Manu, bonsoir, et notre cher invité Luc Gendeur. Comme vous l'entendez en arrière-fond, l'ambiance est horrible. Effectivement, l'ambiance est horrible. On ne s'entend pas ici, on ne s'entend pas. Heureusement, Magic me fait vivre le match parce que je ne comprends pas tout, moi, vous savez. Je n'ai pas l'habitude de ces loges journalistiques. Hein. Je suis plutôt un homme de plateau, mais ce soir, une fois n'est pas coutume. Je vais un petit peu lancer l'émission en évoquant éventuellement le thème central de cette émission. Ben oui, une fois n'est pas coutume, docteur. Ce soir, votre chronique s'est transformée en édito, non ? Oui, si j'ai bien compris ce qu'on me chargeait de faire, oui. Tout à fait, docteur. Avant juste de vous donner la parole, on peut peut-être donner deux précisions. C'est d'abord que le shérif est absent ce soir, vous l'aurez compris, atteint de réunionite aiguë. Mais que bon, on compte sur le docteur évidemment pour le remplacer. Bien sûr. On peut aussi signaler le numéro de téléphone de Radio Galère pour que nos chers auditeurs puissent nous appeler. Et je crois que c'est le 04 91 08 28 15. On attend bien sûr. Et on peut aussi signaler que toutes les informations que nous allons traiter ce soir sont déjà en ligne sur le blog. Et Manuel, je vous laisse donner l'adresse. Alors, HTTP, machin bidule, tout ça. Débattons d'Anguirou. Posterous.com. Voilà, docteur, on vous laisse la parole pour votre édito, que j'attends sanglant, il me semble. Oui, bon, essayer d'être un petit peu clair sur cette thématique. Hein, donc, comme vous l'avez remarqué, au-delà du match donc, qui nous intéresse, nous allons ce soir parler d'art contemporain, des stades et de football. Donc j'ai intitulé cet éditoire « Et football contemporain ». Le dimanche, que tout un chacun s'est dédié au sport, continue à subir ça et là la concurrence des arts. Encore qu'on en reste hélas bien souvent au discours. Gardien de but ou de musée, ces postes bien en vue émergent tous deux au XXe siècle, à la faveur de la généralisation des loisirs, mais aussi de la société du spectacle. Comme autant de symboles, ces charges tôt soustraites aux obligations dominicales contribuèrent à vider les halles de prière et, du stade au salon, à tirer un bilan globalement positif du siècle précédent, ce n'était pas évident. Lors de mes dimanches d'enfance, bien huilé, j'avoue m'être délecté, d'avance, du générique inaugural de l'émission Stade 2. Haletant, je nourrissais mes futurs songes des images des géants. Ainsi s'écoulait mon stade 2, doux souvenir de jeunesse à peine entaché de l'iconoclasme paternel, lequel s'échinait à accomplir sa tâche domestique hebdomadaire en appliquant systématiquement l'aspirateur quand sur la semaine le crépuscule pointait. Le temps passait, brumant ma lèvre d'un fin duvet. Puis vint Eric Hanzo, ou peu importe son nom, lui ou un autre, confondant. Là débuta ce néo-maniérisme à se taper le cul par terre. Ils m'ôtèrent les images et me livrèrent, égaré, aux coulisses de l'événement, soi-disant fort intérieur des dieux du stade. Mais sous la pelouse, on ne trouvait même pas de pavé. Dans le vieux stade 2, il n'y avait pourtant nul nombre d'or. Et si je ne veux pas me joindre à la meute, hurlant à la décadence et à l'âge d'or préhistorique, celui où les journalistes, faute de plumes, faisaient de la télé. En clair, les piscopies de stade 2, n'ayant plus d'image appartenant désormais à d'autres, s'en remirent à des commentaires intempestifs, aux stériles déblatérations, aux jacassements les plus fâcheux. Ils ne tuèrent pas nos idoles, mais ils les mystifièrent. Et nous nous en éloignâmes, nous n'en comprîmes plus rien. Ainsi, nous n'unirons pas notre voix à ceux qui psalmodient à tout bout du champ que seul le spectateur fait l'œuvre, car à ce titre, football et art font la paire. Entre chômeuse gone et mondialisme, on s'en mêle les pédales. Malgré tout cela, je garde mon self-control, positif. Pourquoi ? Car devant l'œuvre que je ne sentais pas, que je ne comprenais pas, que je ne déconnais pas, j'ai souscrit un abonnement à Canal+. Ouf, ouvert dans une aspiration, me souffle que football et art peuvent finalement faire bon ménage. Merci docteur, merci. Écoutez, je crois que vous lancez tout à fait sur de bonnes bases cette émission consacrée, on l'a dit ce soir, au stade, à l'art contemporain en général et au football. Mais je crois que votre compère de ce soir a préparé la riposte. Magic, vous allez bien sûr nous parler du match ce soir, mais sentant venir un petit peu la tension qui allait naître suite à l'éditorial du docteur Lehmann, vous avez vous aussi préparé vos munitions, Magic. Tout à fait, mon cher Manuel Amour. Mais alors, quel match, mes avis. Mais le FC Séville est parti sur Alors, un rythme effréné, c'est incroyable le match. Mais je vais quand même répondre à mon cher docteur Lehmann, parce que art et football, art contemporain et football, eh bien écoutez, pour moi, c'est a priori deux univers étrangers l'un à l'autre. D'abord parce que le foot représente surtout la culture populaire, alors que l'art contemporain s'adresse davantage à une certaine élite. Mais on peut évidemment trouver des points communs entre les deux, comme par exemple l'intérêt qu'on peut trouver dans l'aspect performatif des deux pratiques, la performance athlétique évidente dans le foot, la performance comme véritable forme d'expression dans l'art contemporain. Alors pour moi, l'avènement télévisuel du football à la fin des années 70, pour moi, a profondément modifié l'impact, la dimension symbolique de ce sport. Si par exemple, aujourd'hui dans les pays occidentaux, le football est considéré plutôt comme une passion de prolétaire, eh bien dans les pays pauvres, le foot est désormais une façon d'accéder aux rêves. Et comme l'art, le foot est aujourd'hui porteur de valeurs morales, et tous les deux, art et foot, sont traversés par les tensions de nos sociétés contemporaines. Et il est logique de constater qu'aujourd'hui, eh bien oui, de nombreux artistes s'inspirent du foot pour disséquer les enjeux esthétiques, mais aussi sociaux, économiques ou politiques de notre société. Alors, d'ailleurs, pour ne citer qu'un écrivain, qu'un philosophe franco-tunisien, Mehdi Belhaj Kassem, ce personnage explique que les Jeux olympiques de l'Antiquité grecque étaient considérés à leur époque comme l'un des beaux-arts. Reprenant Hegel, il nous explique que durant cette période païenne, les Jeux olympiques occupaient même une place plus élevée que la poésie, la tragédie ou la musique. Et pour lui, le football moderne est le sport qui exprime le mieux l'idéal grec des Jeux olympiques. Le football est-il en lui-même de l'art contemporain? Je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, le stade de foot est devenu un espace symptomatique de cette société, de nos sociétés dans lesquelles nous vivons. Albert Camus, d'ailleurs, disait que le stade de foot était pour lui le seul endroit où il se sentait encore enfant. Et je crois que tout adulte qui a un jour joué au foot doit avoir ce même sentiment. Alors, un stade de foot, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est quoi précisément? Eh bien, je m'en référais à ce qu'a écrit Michel Pastoureau, historien médiéviste et petit cousin de Claude Lévi-Strauss. Un match de foot est une liturgie collective où les gestes, les couleurs, les sons se répondent. Quand vous rentrez dans un stade comme celui-ci, ici à Séville, vous découvrez d'abord le vert du terrain qui vous saisit immédiatement, puis les lignes du blancheur virginal qui délimite l'espace mental du spectacle vivant. Il y a ensuite les joueurs portant tous des maillots aux couleurs bariolées, l'arbitre et les juges de touche qui aujourd'hui sont habillés de manière très flashy. Tout ce petit monde court, s'agite autour du terrain et forme des parcours dynamiques de couleurs. Il y a encore les entraîneurs en costard noir, les remplaçants en chasuble, couleur vive, les soigneurs en couleur neutre, les stadiers en jeune pétard, les policiers dans leur propre couleur. Tous sont identifiables par la couleur des tenues qu'ils arborent. On voit aussi les encarts publicitaires, aujourd'hui électroniques mais toujours aussi colorés. Et puis il y a le public qui ne cesse de crier depuis leur tribune trop sombre mais qui brandit des banderoles, des tifos, des écharpes, là encore, riches de lumière, de couleurs. Tout ça est exposé à la lumière la plus crue des projecteurs et des télévisions. Alors, pour conclure, je crois, il m'a semblé naturel que pour cette émission-là, on puisse s'intéresser au foot et par là même au stade de foot. On parle de cette enceinte magique qu'est le stade de foot. Magic, merci vraiment. Là, vous nous avez communiqué un enthousiasme fou. En studio, c'est le délire. C'est le délire. Bravo, Magic. Écoutez là. Quelle énergie. les femmes sont nues, quasiment. Elles sont pas là, mais elles sont nues. Alors, vous lancez à merveille tous les deux le thème de cette soirée. Mais je voulais juste dire un petit mot avant de vous laisser présenter le thème, mon cher Brett, un peu plus en amont. C'est que ce soir, vous nous avez fait l'honneur d'une petite sélection musicale. Peut-être qu'on pourrait tout de suite dire de quoi il s'agit. Tout à fait. Alors, en partant de la thématique art contemporain et musique, on a choisi de passer des musiques exclusivement d'un label qui est monté par Arnaud Maguet. Luc, vous devez connaître Arnaud Maguet, qui est un plasticien qui a monté un label de musique, qui est lui-même musicien. Et son label s'appelle Les Disques en Rotin Réunis. Donc le morceau que vous avez entendu en introduction, c'est un morceau de un groupe qui s'appelle Kid Congo Powers et Electronicat. Parfait. C'est en fait sur un disque qui s'appelle Ouais, on vous le redira tout à l'heure. En fait, c'est une édition récente. C'est en fait des morceaux qui sont composés en réaction à des pièces de la collection du Musée d'Art Contemporain de Rochechouart. Bon, on va rechercher l'information pour tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'on est venu un petit peu comme ça avec cette musique. Enfin, c'était pour dire qu'en fait, toutes les musiques qui vont quand même passer ce soir seront les musiques de ce label, les disques en rotin réunis. Voilà. Très bien, et on va peut-être retourner au stade parce que je crois qu'il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses. Magic, docteur, alors, un carton jaune, j'ai l'impression, pour Tomás Piña. Oui, les joueurs de Mallorca, écoutez, subissent la furie des Sevillanos et évidemment sont toujours en retard. Et le joueur que vous venez de signaler à l'instant, évidemment, sur un petit contre, un petit tacle tout léger, bien, à force de répéter des fautes et des fautes, vient de se prendre un carton jaune. Nous jouons la 16e minute de ce match, toujours 0-0. Mais attention là, Jesús Navas qui dribble, sortie de but. Mais quel joueur ce Jesús, quel joueur formidable. Écoutez, donc nous jouons ce match ce soir entre le 7e, le FC Séville, et le 6e de la Liga, le championnat espagnol, l'un des meilleurs championnats du monde, si ce n'est le meilleur. Donc les deux équipes sont au coup à coup au classement, mais sur le terrain actuellement ce soir, ce n'est qu'à sens unique, puisque le FC Séville, qui est le club de la région andalouse, celui qui domine le football dans cette région, a pris les devants dans ce match et est en train de dominer outrageusement ce match. Les joueurs de Mallorca essayent de respirer de temps en temps, comme là pour l'instant, des petites passes, mais toujours sans grand effet, toujours 0-0, et le FC Séville qui a mis la main pour l'instant sur le match, et je ne crois pas du tout que ce match va finir sur un 0-0. À tout à l'heure pour le but, j'espère. Docteur, vous souhaitiez rebondir peut-être sur les dires de votre collègue de ce soir ? Non, effectivement, on voit un match fabuleux entre cette équipe sévillane qui n'est quand même que l'une des deux équipes sévillanes. Rappelons tout de même l'existence du Betis Balompié, cette autre grande équipe de Séville. Alors, il est intéressant aussi de noter que Séville est une vraie terre de football en Espagne, puisque c'est notamment dans cette ville, capitale de l'Andalousie, que s'est déroulé probablement le premier match de football avec beaucoup de joueurs anglais, puisqu'on est à proximité de Gibraltar. Donc voilà, on est quand même sur un lieu chargé d'histoire, et je pense que Magic, comme moi, comme vous, en sommes tous touchés. On ressent cette force et cette émotion. Docteur, j'avais une question à vous poser, puisque la chanson que nous avons entonnée en début d'émission, qui est, on peut le dire maintenant, notre générique, les génériques de Débattons d'Anguirou, cette chanson utilise plusieurs langues européennes. Simplement, on peut y noter l'absence de la langue espagnole, notamment celle qui va nous intéresser un peu ce soir, ainsi que de la langue italienne. Est-ce que vous avez une explication, mon cher docteur ? C'est une question sur laquelle je m'étais penché effectivement il y a quelque temps. On peut voir là les reliefs finalement de la domination anglo-saxonne, majoritairement, allemande aussi, qu'on peut considérer aussi comme anglo-saxonne en un sens, ainsi que celle finalement de la France, qui a eu quand même une part non négligeable dans les instances footballistiques européennes et internationales. Et c'est vrai qu'on ne peut que regretter l'absence de ces formidables pays de football que sont l'Espagne et l'Italie. Super, oui. Luc Jander aussi avait l'explication, nous en parlions avant le début du match, il s'était penché sur la question aussi. Voilà, l'anglais, l'allemand et le français sont les langues officielles de l'UEFA. C'est tout bêtement voilà, administratif. Bon, très bien. Administratif, mais ça montre tout de même des équilibres géopolitiques en faveur de nos amis du Nord. Ça traduit une histoire, en tout cas. Oui. Ça traduit une histoire, vous lancez la polémique. Donc, c'est bien. Un pavé dans la mare, une fois de plus, docteur. Un pavé dans la mare. Alors, on va continuer cette émission avec un petit peu le dossier, le gros dossier de l'émission. Revenir sur la colonne vertébrale de l'émission. Voilà. On voulait ce soir parler aux auditeurs de Des Bâtons dans Guirou d'un artiste qui nous a particulièrement intéressé ces dernières semaines. Un artiste qui, en ce moment même, est pas très loin d'ici, puisque, ou du moins, il n'a pas été très loin. Il était à Aix-en-Provence pour le festival Gamers. Il est intervenu lors de ce festival ? Pas du tout. Il est intervenu. Il est intervenu l'année dernière. Non, il était présent sur le festival pour. Par courtoisie, ouais. pour amener son expérience aussi. Et donc, cet artiste qui s'appelle donc Géraud Souliol. Tout à fait. Qui est un jeune artiste qui est né en 81 dans le sud-ouest de la France, qui a exposé tardivement, mais qui a commencé à exposer. Son diplôme date de 2007, il a commencé à exposer en 2011, donc par le festival de Montrouge à Paris, puis surtout Gamers après. Et donc ce qui nous a intéressé chez Géraud Souliol, c'est une série qui s'appelle Arena, qui sont en fait des stades de foot qui dessinent au critérium en miniature. Et ce sont des stades de foot mélangés à d'autres architectures, en général en lien avec les villes d'où ils puisent les stades. Donc ce sont des stades qui existent, des stades connus. Et donc on a récupéré une interview de Géraud justement pour le festival Gamers l'année dernière. On va peut-être l'écouter, on en reparle ensuite. On peut aussi juste signaler que sur notre blog desbatonsdanguirou.posterous.com, vous pouvez aller cliquer sur la rubrique art contemporain et football. Et il y a un lien vers la série Arena, donc de Géraud Souliol, que vous pouvez avoir sous les yeux, chers auditeurs, pendant que nous parlerons de ce travail. On écoute l'extrait. D'un côté, il y a une série d'œuvres qui a commencé en 2009, qui est une série de dessins sous cadre format A3, qui est une série qui prend pour thème l'architecture et le stade de football. Donc ce sont des stades de football existants qui sont modifiés et un petit peu travestis et colonisés par d'autres architectures, des cathédrales, des forteresses, des usines, et qui sont présentés au milieu d'une page blanche, un petit peu comme un temple, une forteresse déchue au milieu du désert de la page blanche, et ils sont tous démolis. Donc le spectateur est amené, vu que c'est un travail en miniature, le spectateur est amené en fait à rentrer dans le dessin et à le visiter tel un archéologue. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé aussi la profusion de détails. Mon travail de dessin vient de l'enfance, je dessine depuis que je suis enfant. Et ces séries reprennent un petit peu les codes de certains jeux vidéo, parce que quand j'étais adolescent, j'ai joué à pas mal de jeux de stratégie, et donc ces dessins viennent reprendre les codes. Par exemple, les stades de football utilisent une espèce de focus point en perspective isométrique qui reprend les jeux vidéo de stratégie. J'utilise toujours un matériel très très simple pour dessiner, donc c'est du critérium sur du canson blanc. Le terrain de football aussi, c'est un peu aussi le terrain d'une sorte de guerre qui en reprend d'ailleurs les codes, et ce sont les bâtiments les plus monumentaux que l'on construit à l'heure actuelle. C'est pas du tout de l'héroïque fantasy, c'est-à-dire c'est plutôt un collage. Vous avez dû lancer le son suivant, Magic, il faudrait juste l'arrêter. Voilà. Parce qu'en plus d'être au stade, vous êtes en technique, c'est quand même remarquable. Donc voilà, donc c'était Géraud. Luc Gendeur, vous étiez un petit peu penché sur la question de Géraud. Est-ce que vous avez des choses à dire, des remarques ou... Ben, disons que c'est du dessin au crayon de papier, donc ce sont des vues plutôt axonométriques, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans de la représentation assez formalisée, on n'est pas dans de la vue réelle. ils flottent sur la page blanche, c'est-à-dire que ce sont vraiment des objets qui se détachent. Ils ne sont pas remis dans un contexte plus général que l'objet en lui-même. C'est-à-dire la vue est assez concentrée, il n'y a qu'une seule chose, c'est un... Et on a... Donc même si ce n'est pas de l'heroic fantasy, je pense quand même que c'est de la fantasmagorie. Et on a l'impression qu'il y a tout d'un coup deux choses qui ont essayé de se matérialiser en même temps, au même endroit, c'est-à-dire un stade de foot et autre chose, ça peut être une cathédrale, etc. Donc ça peut expliquer le côté en ruine, qui donne un aspect quand même plutôt romantique. Alors là, je pense qu'il a, dans un dessin, plutôt une tradition finalement assez romantique, hein, de la Renaissance, hein, c'est Piranèse qui le premier a envoyé les premiers grands dessins de ruines romantiques. Et donc, voilà, il y a quand même la réalité et le fantasme se heurtent dans ces dessins. Et qu'est-ce que je voulais dire Mais est-ce qu'il explique, Jérôme Souyol, pourquoi le stade est un lieu et un lieu qui crée de l'événement? Pourquoi le stade, c'est ça qui l'obsède tant et c'est ça qui le... Bah, il le dit un petit peu, hein, quand il dit que le terrain de foot, c'est un peu le champ de bataille. Je pense que là, c'est effectivement le champ de bataille entre deux représentations, c'est-à-dire entre une architecture du football et une autre architecture qui correspond finalement à une autre symbolique et à une autre fonctionnalité. C'est le combat de boxe. C'est la fin du combat. Là, on est à la fin du combat de boxe entre la cathédrale et le stade. Hein, et... Oui, puis il y a vraiment. J'ai quand même rencontré Jérôme. On a discuté un chouïa. Il y avait quand même cette idée de d'après. Ce sont des stades après leur existence. On est vraiment à la fin du football et un peu comme si on était arrivé à une forme de football total qui symbolisé par ces stades qui à la fois cathédrale, à la fois fort, à la fois qui représentent un petit peu tous les aspects d'une société et qui sont arrivés à un point total et qui se sont effondrés, ce sont des ruines. Ça, c'est la fin du football, la fin d'un monde. Et je crois qu'on va vous couper tous les deux, on reviendra à Géraud plus tard. Au stade, visiblement, il s'est passé quelque chose. Oh là là là là là, c'est extraordinaire. Mallorca qui subissait les assauts du FC Séville sur un petit contre, l'air de rien comme ça, par son joueur le plus prolifique, Pedros Bigas. Vient d'ouvrir la marque, comme je vous le disais, il n'y aura pas de 0-0 sur ce match. Une longue transversale directement sur l'attaquant qui dribble le gardien d'une petite louche et s'en va mettre le ballon au fond des filets. 1-0 pour Mallorca. C'est un suspense incroyable ici à Séville. Contre toute attente, donc le Real Mallorca, très efficace, vient d'ouvrir le score. 1-0 pour Mallorca. Il est littéralement rentré dans les filets lui aussi. D'après ce qu'on voit sur nos écrans de contrôle. Ah, il est carrément rentré, oui. Voilà, il a été bousculé par le défenseur sévillan, mais il a juste accompagné le ballon pour le sécuriser et afin qu'il rentre dans les cages. Et donc, un très très joli but, très bel attaquant, très belle technique. Voilà, 1-0 donc pour Mallorca ici. Et alors, je ne sais pas si Jérôme Souyol a fait un dessin du stade Ramon Sanchez Pizjuan de Séville. Je ne crois pas, d'ailleurs, je ne pense pas. Mais je me disais aussi, Luc, que peut-être que cette façon de représenter le stade et la cathédrale, pendant la plupart des cas de Séville, le stade comme nouvelle cathédrale, on a un peu bien compris ça, c'est aussi une façon de confronter encore une fois Séville les unes aux autres. Et on est encore dans des querelles de clochers, un peu avec cette série Arena et en confrontant toutes ces villes. Je ne sais pas. C'est une bonne remarque. Bah écoutez, peut-être on peut s'en sortir avec un petit morceau de musique de tout ça, mon cher Brett. Eh ben on va continuer donc sur la. Donc sur ce fameux label qui s'appelle les disques en rotin réunis, on va écouter un nouveau morceau qui s'appelle Common Dream. Donc c'est donc sur le même principe que le premier, c'est un morceau réalisé par un groupe qui s'appelle Super Reverb, un belge et un anglais, et c'est d'après une pièce de Gabriel Orozco. On écoute. Thank you. suite au stade. On va tout de suite au stade. Docteur Magic, racontez-nous, que se passe-t-il au stade Ramon Sanchez Pizjuan? Maman, mais qu'est-ce que c'est pétillant ce match avec les Sévillans. Écoutez, les Sévillans avaient repris du poil de la bête avec un super débordement sur le côté gauche, un centre en retrait, un dégagement du gardien et l'incomparable Alvaro Negredo, ce joueur du FC Séville et qui joue aussi avec la Roja Española, l'équipe nationale qui, à bout portant, envoie un missile dans les cages du gardien mallorquais et Séville qui égalisé à un partout, mais deux minutes après, l'air de rien, toujours pareil, le même attaquant de Mallorca qui s'empare du ballon sur son côté droit, dribble un joueur et puis passe la balle entre le gardien et son poteau droit, et donc Mallorca qui reprend la tête 2 minutes après l'égalisation, donc 2-1, nous jouons la 30e minute de ce match, et c'est bien Mallorca qui domine pour l'instant ce match, donc 2-1 ici à Séville. Et docteur, le spectacle est fou à Séville, on vous entend un peu. Hein. Le spectacle est vraiment formidable. Là, je suis ravi d'être enfin en compagnie de mon ami Magic, qui me fait vivre des moments complètement fous. Effectivement, ce renversement de situation est totalement incroyable, dans le sens où on pensait vraiment que l'arène de Pizjuan avait chaviré. On pensait que le Séville FC allait reprendre finalement le contrôle de cette partie, et non, que nenni. Non. Le Real Mallorca, finalement, voyage bien. On sait que ce sont des grands voyageurs, les Mallorcains. Hein. C'est dû à leur situation géographique, bien sûr. Et une nouvelle fois, le Real Mallorca a frappé 2-1. Bravo. Merci. On est très content de faire vivre ce match à nos auditeurs des bâtons d'Anguirou, parce que ces dernières semaines, on n'a pas eu que des matchs fameux à commenter. Et là, ce soir, il y a des buts. Et nos amis en direct du stade sont très contents. On revient 2 minutes sur l'ami Géraud. À moins que Luc, vous ayez un mot à dire, je crois, sur ce match, peut-être. Non, je voulais. Est-ce qu'on pourrait peut-être les remettre dans le contexte du classement? C'est-à-dire, ils en sont où dans le classement? Le classement en direct, vous voulez dire? C'est au stade qu'on va nous le dire, ça. Magic, le classement. Oui, alors au classement, les deux équipes qui étaient à égalité de points, 11 points, mais avec un tout petit but d'avance pour Mallorca avant ce match-là. Donc, si le score devait en rester là, 2-1, ce qui est déjà un très bon score, eh bien, Mallorca passerait 6e. Donc toujours devant le FC Séville, mais avec désormais 3 points d'avance. Voilà, ce qui n'est pas négligeable, notamment quand on pense aux Coupes d'Europe. Mais ce n'est toujours que le début du championnat, et quelque chose me dit que le FC Séville, offensif tel qu'il est ce soir, n'en restera pas là. Et question un petit peu inconséquente, Magic, mais y a-t-il des Français sur le terrain, ce qui arrive quand même très souvent en Espagne? Et quid des Julien Escudé Skilacci et autres, peut-être, je ne sais plus. Alors, Julien est en réanimation depuis 6 mois. Là, vous savez qu'il a des problèmes récurrents au genou. Quant à Skilacci, je pense qu'il doit être en vacances prolongées en Italie, dans sa famille, ou quelque chose comme ça. Non, nous n'avons plus de nouvelles sportives et professionnelles de ces deux joueurs-là. Il n'y a pas de Français actuellement sur ce match-là. Les deux équipes n'en ont pas, mais c'est assez exceptionnel. C'est une année. Ce sont des équipes qui, en tout cas pour le FC Séville, deux équipes qui ont eu l'habitude d'avoir recours à de nombreux étrangers, en particulier les Français. Vous savez que les joueurs français sont très appréciés dans les championnats étrangers. Pas tellement en France, mais dans les championnats étrangers, effectivement. Mais là, non. Là, pour l'instant, alors que là, un centre toujours du même Jesús Navas, intenable sur son côté droit et qui a encore failli faire mouche. Et voilà, Radzic qui va tirer le corner, mais toujours 2-1 pour le FC Séville. Eh bien, merci, Magic. Alors, on revient avec vous, Brett, et avec vous, Luc, sur Géraud Souyol. Encore 2 minutes, parce qu'il a, outre sa série Arena, magnifique série sur les stades qu'on vous invite à aller voir. On recommande même d'aller voir sur le site, et même sur le site de sur le site de Géraud Souyol directement. De toute façon, le lien sur le site de Des Bâtons d'Anguirou vous amène sur le site de Géraud Souyol. Mais il y a une autre série qui est vraiment très fameuse et très caractéristique de son boulot, qui est une série, je crois, travaillée sur des soucoupes de tasses à café, qui travaille au café. Des petits dessins faits en marc de café. Tout à fait. Alors je crois me souvenir que c'est anecdotique, mais il y a deux, trois sujets qui sont encore liés au foot, puisqu'il me semble qu'il y a un portrait de Ribéry, il y a une scène de jeu, etc. Oui. Et c'est un boulot assez particulier encore. Luc, vous avez aussi un peu scruté ce travail-là ? Pas tellement, en fait, mais l'utilisation du café pour le dessin est assez souvent utilisée. C'est-à-dire qu'on peut travailler en encre de chine, mais on peut aussi également travailler avec le café. Le café, en fait, ça donne un effet, une légère brillance, en fait, au dessin, et, si on l'utilise à la place de l'encre. D'accord, mais il faut que ce soit un liquide assez dense quand même, parce que moi j'ai l'image d'un café qui est une matière qui est assez peu travaillable finalement au pinceau, mais en fait si, c'est possible. Bah, disons que lui, là, il utilise du café soluble, ce qui est quand même la solution la plus simple. Ensuite, c'est la concentration de café dans l'eau. C'est un petit peu comme l'encre, c'est plus ou le brou de noix, parce qu'en fait le café pourrait remplacer le brou de noix, puisque ça fait un dessin comme ça brun. Et c'est après, c'est dans sa dilution. D'accord. Donc plus il est fort, effectivement, plus il est foncé. Oui, on peut même imaginer que ce n'était pas un café qui était destiné à être bu, quoi. Non, il faudrait. Je pense pas. Qu'il devait être... Ou alors, caramba, comme dirait Daniel. Géraud, donc. Bah, ça, c'est cette série s'appelle Les Vanités, je crois. Les Vanités, tout à fait. Et c'est pareil, c'est assez important. Je ne sais pas combien il y a de soucoupes de tasses à café. Oui, parce que si je ne me trompe pas, il a découpé en deux séries. Il y a une série qui s'appelle Les Vanités et une série dont j'ai oublié le nom, qui est la première des séries qu'il a réalisées. Et oui, donc c'est assez joli, ces assiettes dessinées, décoration de grand-mère, avec une espèce de nostalgie, c'est assez beau. C'est un beau boulot, le boulot de Géraud Souyol. Vraiment, on vous recommande encore d'aller le voir, parce que ouais. Nous, on l'a découvert là pour l'occasion. On peut dire aussi que c'est l'ami Paul Destieux, bien sûr. Qui lui, par contre, expose en ce moment même, jusqu'au, alors je l'avais noté, 26 octobre à Seconde Nature à Aix-en-Provence, dans le cadre du Festival Gamers. Et c'est un ami de Paul, donc Géraud. Paul Destieux qui a un chouette travail aussi. Et que... Tout à fait. Donc bon, j'imagine qu'on aura le temps de vous en parler les longues années de débattons d'Anguirou que nous avons devant nous. Brett, la suite de l'émission alors. Eh bien, pour la suite de l'émission... on va peut-être réouvrir notre rubrique cinéma et football, donc dans le cadre toujours de cette émission consacrée à l'art contemporain, au stade de foot, et revenir sur ce film qui en 2006 est arrivé un petit peu comme un ovni sur la scène cinématographique, un film consacré à Zidane, réalisé par Douglas Gordon et Parrino. Donc j'ai oublié le prénom, Philippe Parrino, tout à fait. Et voilà, donc on a réalisé un extrait, une prise de son de ce film. Tout à fait. Alors je propose peut-être qu'on l'écoute d'abord et on discute ensuite. Manuel, un truc à dire peut-être avant ? Oh ben, je vais deux mots à dire, enfin un peu plus de deux mots parce que quand même je m'étais fendu d'une petite écriture ce soir, mais si jamais bon, on peut le passer. Hein. J'imagine que le docteur aura encore quelque chose à dire. Fendez-vous d'une lecture de cette petite écriture. C'était juste pour vous recontextualiser un peu le film. Film portrait, donc tourné le 23 avril 2005, soit le jour des 58 ans de ma mère que je salue au passage. Mais c'était aussi le jour d'un match de football Real Madrid-Villarreal à Santiago Bernabéu. Et ce film dépasse a priori le simple portrait par le dispositif mis en place. 17 caméras filment le temps d'un match, sous tous les angles, en plan large ou rapproché, un seul joueur, Zidane. Il aura fallu 9 mois de montage pour réaliser ce film avec l'apport d'une bande-son assez géniale, balancement orchestré entre des bruits de proximité, par exemple le son mat du ballon frappé, la respiration du joueur, etc. La musique planante de Mogwai et des bruits d'ambiance comme par exemple la foule en rumeur ou au contraire des bruits décortiqués de la foule, des cris isolés. On entend quelques hijo de puta par exemple à quelques moments. Et c'est peut-être en ça que le film apporte bien son grain de sel, je trouvais, à la thématique de l'émission. Car outre le fait qu'il soit un très très beau document sur le football, donc apprécié par les amateurs, outre le fait qu'il soit un travail sur l'image et le son, ainsi que peut-être une redéfinition de la notion de portrait, mais ça Luc nous en parlera tout à l'heure, c'est aussi finalement peut-être le portrait d'un stade, et d'un événement que Philippe Parreno et Douglas Gordon ont voulu monter. L'extrait choisi présente les minutes qui précèdent l'ouverture du score de ce match. L'ouverture du score qui s'est faite par Villarreal à peu près aux deux tiers de la première mi-temps sur un pénalty assez douteux. Et ensuite, on a la réalisation de ce pénalty. Voilà, c'était donc un extrait de Zidane, portrait du 21e siècle, un film donc, on le répète, de Philippe Parreno et de Douglas Gordon. tourné en 2005 et sorti en 2006. Luc, qu'est-ce que ça vous inspire, ce film ? Vous l'avez vu, j'imagine ? Je me rappelle l'avoir vu donc dans un cinéma à la fête du cinéma, parce que c'est quand même un film qui est sorti dans les cinémas, j'ai envie de dire mainstream, c'est-à-dire dans les grosses exploitations où on passe aussi des blockbusters, etc. Ouais, ouais. Et à l'occasion de cette séance, en fait, bon, on n'était pas tout seul dans la salle. Il y avait notamment des gamins qui étaient là, qui eux sont quand même sortis assez dépités de cette expérience. Ouais. Mais ils sont restés jusqu'à la fin. Donc moi, je pense, a priori, déjà, ce qui annonce un peu la couleur, quand même, c'est le titre, qui ressemble quasiment à un sujet du bac de philo, quoi. Zidane, un portrait du 21e siècle. Je pense que la deuxième partie, le un portrait du 21e siècle, explicite assez bien que finalement, on va l'homme, effectivement, est présent, mais il est aussi quand même symbolique de pas mal de choses. Et le deuxième truc, c'est que finalement, faire un portrait du 21e siècle en 2005, c'est peut-être déjà un peu optimiste en soi. Hein. Sinon, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a une double réception qui s'est faite de ce film. C'est-à-dire que du point de vue du cinéma, je pense que les gens étaient très déçus et ont trouvé que c'était un film pourri et chiant. Et du point de vue de l'art contemporain, les gens étaient très contents. Donc en même temps, il a malgré tout cette espèce de double nature comme ça. Et effectivement, je pense que du point de vue d'une œuvre plastique, il est très réussi. Et pour un amateur de football, par exemple, un amateur, un vrai, un gars comme Magic, par exemple, est-ce que vous pensez que ce film s'adresse aussi à un supporter, par exemple, de football? Ou un fan de Zidane, par exemple. Ou un fan de Zidane. Oui, oui, oui. Enfin, je ne sais pas, il faudrait peut-être demander à Magic ce qu'il en pense. Magic, on a une question pour vous. Vous étiez au stade ce jour-là, donc hein, ce 23 avril 2005, pour commenter ce match Real-Villarreal. Et ce film, vous l'avez vu depuis aussi, j'imagine. Quel est votre avis, vous, sur ce... Ah oui, j'étais effectivement à Bernabeu. Magnifique match, un peu volé par l'arbitre, effectivement, mais le film, je l'ai vu en tant qu'amateur de football. Je suis également, par ailleurs, amateur de cinéma, mais je ne l'ai pas apprécié, effectivement, comme disait Luc, de ce point de vue-là. C'est simplement que, en tant que footballeur, vous savez que nous, ici, à Débattons d'Anguille, nous n'avons pas eu la chance, même si la compétence nous l'avions, nous n'avons pas eu la chance de jouer dans des stades comme ça, et je peux vous dire que la pression, les chants des supporters, enfin, toutes les choses qui peuvent se passer, toutes les petites choses qui peuvent se passer sur un terrain de foot pour un match comme ça, c'est des choses complètement inimaginables. Et grâce à ce film, eh bien, on touche un peu du doigt ces sensations-là, et c'est extraordinaire à voir. En tant que performance cinématographique, c'est très très beau. Très très beau. Et Magic, est-ce que le public était ce jour-là, donc quand vous étiez au stade, le public était au courant de ce dispositif censé filmer exclusivement Zidane ? Non, vous savez que les supporters espagnols, malgré quelques chefs-d'œuvre cinématographiques, ne sont pas. Les gens qui étaient là ce jour-là, vous savez qu'au Real, les socios sont des fans absolus de foot, et ils ont l'habitude de voir des caméras et des caméras tous les week-ends, tous les 15 jours. Donc je me souviens que j'étais là, je les avais pas particulièrement remarqués, moi non plus. J'étais pas au courant qu'il y avait rien n'était signalé de ce point de vue-là, et on savait pas qu'il se tournait un film particulier à ce moment-là. Et je pense que l'intégralité du stade de Bernabéu n'était pas au courant. Docteur, on vous écoute, oui. Oui, moi, cette référence à Zidane me fait penser aussi à un autre numéro 10 important, étant donné qu'on est en terre espagnole. Donc j'aurais aimé souligner tout de même que le FC Séville s'est notamment illustré pour avoir accueilli Diego Maradona. Pendant toute une saison, Diego Maradona, qui cette énorme star du ballon rond, qui avait du mal à digérer son élimination durant la Coupe du Monde 90 en finale par l'Allemagne. Et le traitement des supporters, des tifosi italiens, était venu se ressourcer pendant une année auprès des socios sévillans. C'est une belle figure que je souhaiterais un jour évoquer plus longuement. Oh, mais vous savez que vous avez carte blanche, docteur, pour évoquer El Pibe de Oro, comme on l'appelle du côté de la Boca à Buenos Aires. Mais je crois aussi d'ailleurs qu'il y a un film qui évoque un film d'un réalisateur de l'ex-Yougoslavie, je ne sais pas exactement de quel pays actuel. Il est serbe, Emir Kusturica. Ouais. Un film qui donc a été dédié à Diego Armando Maradona. Et bon, je pense que vous aurez l'occasion, quand vous serez rédacteur en chef, parce que mais quand vous serez rédacteur en chef de cette émission, vous aurez l'occasion de présenter un sujet peut-être sur Diego. On vous suivra. Oui, j'en ai hâte. Moi, je voulais juste donner un dernier truc en me documentant sur ce film de Pareno et Douglas Gordon. J'ai découvert que, en fait, ce n'était pas la première fois qu'il y avait un tel portrait d'un joueur de foot. Et en fait, il y a un cinéaste allemand qui s'est essayé dans les années 70 à faire un peu le même genre de film sur George Best, hein, donc pendant un match de Manchester United en 1971. Un film avait été tourné. Je pense qu'on en parlera aussi parce que George Best risque d'être un personnage important d'une des émissions des Bâtons d'Anguillou en 2013. On aura forcément notre émission sur George Best. Quand je serai rédacteur en chef, peut-être que... Comme ce soir, par exemple. Voilà. Par exemple, comme ce soir, j'aimerais bien mener peut-être une émission sur George Best, oui. Tout à fait. Luc, Entre les trois films dont on évoque, il y a quand même des différences. Par exemple, je pense que entre le Zidane à portrait du 21e siècle et le film fait par Kusturica sur Maradona sont quand même deux idées qui sont radicalement différentes, hein, je pense. La différence entre celui qui était fait sur George Best, je pense, et celui sur Zidane, c'est déjà la différence finalement entre la façon de filmer le football, puisque maintenant le football est hyper médiatisé. Dans les années 70, bon, il y avait peut-être quelques ralentis, etc., mais globalement, il y avait assez peu de gros plans, il n'y avait pas 30 caméras dans un stade qui permettaient d'avoir tout un tas d'angles de vue possibles et imaginables, etc. Je crois même que il me semble que c'est Zidane un petit peu qu'on parlait une fois qui disait que justement ce rapport à la télévision a énormément changé aussi la façon dont les enfants jouent au foot. Puisque avant on avait quand même des vues d'ensemble du terrain où finalement la stratégie était peut-être plus mise en avant entre le jeu de passe, etc. Et l'incursion de nombreuses scènes ou de plans beaucoup plus rapprochés, etc., où on voit vraiment les gestes techniques, ça transforme aussi l'image du joueur et la présence du joueur sur le terrain et sur l'écran. Et c'est après ces gestes-là qu'on a envie de refaire, etc. Et peut-être que ça... Eh ben oui, c'est Olivier Pourriol aussi qu'on avait passé un extrait, Brett, je crois, dans une de nos premières émissions. La fameuse génération roulette, c'est exactement. Ça c'est tout à fait, ouais, exactement sur le même... sur le même principe, c'est-à-dire que par exemple Zidane, enfant, lui avait vu jouer Platini. Et donc Platini, qui était un meneur de jeu hors pair, avait inspiré la façon de jouer de Zidane. Sauf que Zidane, il avait aussi un peu fait évoluer son jeu sur des gestes techniques parfois un peu inutiles, etc. Et qui a du coup des gestes disséqués, des gestes vus et revus dans tous les sens, avec tous les angles, et qui sont maintenant des gestes ultra communs sur un terrain de foot, et surtout pas à bon escient la plupart du temps. Pas toujours à bon escient, oui. Voilà. Spéciale dédicace à Jérémy Ménez, le copain de Brett. Tout à fait. Et bien d'autres, mais oui. Une belle remarque, Luc. Très bien, Brett, on va faire un petit tour au stade parce que c'est bientôt la mi-temps, je crois. Oui, tout à fait. La 45e minute de jeu vient d'être sifflée. C'est la mi-temps ici et le score est toujours de 2-1. Contrairement aux attentes du public de Séville, eh bien, c'est le Real Mallorca qui domine ce match. Donc 2-1 contre Contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas un doublé de Pigas pour le Real Mallorca, mais un but de Pigas et un de Medmed contre un but de Negredo. Et voilà, alors écoutez, ambiance de folie. Je voulais vous parler également, et j'en profite puisque c'est la mi-temps, je voulais vous parler de ce stade. Je ne sais pas si on a l'occasion, si on a deux petites minutes. Bien sûr, alors, Magic. Vous savez que le stade Ramon Sanchez Pizjuan est l'un des plus vieux stades de la ville de Séville. Il est situé au cœur même de la ville, dans le quartier de Nervión, ce fameux quartier très commercial où vous avez tout un tas de cafés, de bars, de restaurants, de commerces, de terrasses, etc. Ce stade présente la particularité exceptionnelle d'arborer une fresque géante sur sa façade sud à l'entrée qui montre la ville, une fresque d'environ 10 mètres de haut sur 14 de long et qui figure également l'emblème du club. C'est absolument magnifique à visiter absolument lorsqu'on passe à Séville. C'est un stade presque carré, à peine arrondi sur les angles, bien scellé avec deux niveaux de gradins bien scellé, donc qui encercle toute la pelouse, tout le terrain. La pelouse est très très proche des premières places assises. Le tout est peint en rouge et blanc aux couleurs du club. Vous savez que ici on appelle les joueurs de Séville, du FC Séville, les Rojos Blancos, donc les rouges et blancs de Séville. Comme vous disiez tout à l'heure, le FC Séville a accueilli sur ce même terrain un grand joueur, Maradona, comme le disait tout à l'heure Dr Lehmann. Mais ce stade a aussi accueilli la Coupe du Monde 1982, et avec des matchs de poule, mais aussi une fameuse demi-finale. Ah, évidemment, une fameuse demi-finale, douloureuse demi-finale, Magic. De RFA France qui s'était terminé par 3-3 au terme du temps réglementaire, mais où l'Allemagne avait gagné. Ce match avait été marqué, vous en souvenez tous, par l'agression non sanctionnée du gardien de but allemand Harald Schumacher sur le français Patrick Battiston. C'était prolongé par des prolongations épiques avec 4 buts qui s'étaient marqués dans ces prolongations, 2 buts français d'abord, puis ensuite 2 buts allemands, et une séance de tirs au but qui avait été fatale aux Français. Voilà, c'est un stade qui aujourd'hui peut compter 45 500 places, mais vous savez qu'il y a des projets d'agrandissement et de couverture de stade. Mais bon, la crise est là et on ne sait pas si le projet va pouvoir se réaliser bientôt ou à plus longue échéance. Voilà, c'est un stade qui porte le nom du propriétaire des terrains de l'époque et président du FC Séville, qui avait été acheté en 1937 et inauguré en 1958. Voilà ce que je voulais vous dire sur le stade. En tout cas, si jamais nos auditeurs passent par Séville, je leur recommande très vivement de passer dans le quartier. Vous avez une adresse de restaurant peut-être aussi à donner? Si, El Negredo Blanco, c'est au nom du joueur actuel, de l'attaquant extraordinaire, un Negredo Blanco, comme l'une des couleurs. On peut manger club. D'excellentes tapas. Excellentes tapas. En écoutant de la guitare, peut-être, avec un bon chapeau sur la tête. En admirant de très très belles coupes de cheveux. Et oui, pour qui aime la guitare, c'est une grande. Je crois que tous les dimanches de chaque mois, il doit y avoir un concours de nuque longue. De mulette. La mouletta, si. La mouletta, comme on dit. Et c'est à la mode. Docteur, comme vous étiez historien aussi avant d'être chorégraphe et géopoliticien, je crois que vous avez préparé un petit document, du coup, qui fait un peu suite à la présentation du stade, parce que Magic a évoqué une soirée douloureuse. Oui, donc on avait envie de repasser en fait ce document, cette demi-finale de 82, car ironie du sort, comme vous le savez peut-être, Séville est une ville qui est jumelée avec Guadalajara, au Mexique. Caramba! Ironie du sort, diront certains. Donc on avait envie de vous faire revivre ces moments terribles, quelque part, donc ce RFA France 82. Spectaculaire à la caisse d'épargne de Rueil-Malmaison. Putain, 360 000 francs. Les malfaiteurs, des spécialistes de toute évidence, sont aussi des amateurs de football puisqu'ils avaient tranquillement regardé le match France-Allemagne à la télévision dans l'appartement du sous-directeur avant d'aller opérer. Le jugement de Dieu, qui selon la mythologie classique entre en jeu dans chaque combat entre deux peuples, a voulu que cette chance échoit au camp allemand. C'est en ces termes que le chancelier Schmitt a exprimé sa sympathie au président Mitterrand pour la défaite française hier soir à Séville. Cela n'efface pas la déception et la rancœur devant l'issue de ce match haletant. Les lois du sport paraissent parfois bien injustes. Gentil Ganin, que s'est-il passé quand vous meniez 3-1, vous étiez tout près d'aller en finale et subitement... Oui, je crois que surtout sur le second but, il y avait deux fautes au préalable des Allemands et c'est dommage que l'arbitre, malheureusement, n'a pas sifflé ses fautes car à ce moment-là, on aurait pu aller en finale. Centre de Platini. Giret, oh là, quel vilain tacle sur la jambe d'appui, oui. Oui, il avance, mais vous voyez qu'ils ont eu bien raison de ne pas se décourager. Non, il n'y a pas faute, il a roulé sur le ballon. Platini. Et les Allemands repartent par Breitner. Rummenig, attaqué par Tigana, Lidbarski, Rummenig. Ah, c'est maintenant qu'il faut... Stilike, Lidbarski. Oh. Et but réussi par Rummenig. 3 à 2. 3 à 2 à 2 minutes de la fin de la première partie de cette prolongation. À votre avis, c'est vraiment l'arbitre qui vous a fait perdre cette demi-finale? Écoutez, d'habitude je suis assez fataliste, je prends bien la défaite, mais comme ça s'est passé, non, là je suis vraiment écœuré et je souhaite de tout cœur que les Italiens gagnent en finale. D'habitude, je suis beaucoup plus fort, mais là je souhaite qu'ils vont gagner, à moins qu'ils aient mis ce coup vert. Pour vous, c'est une injustice ce soir? Non, je pense qu'il a voulu compenser un peu le pénalty qui est flagrant, il y a vraiment pénalty par une suite de compensation, quoi. Bon, ben, maintenant, je vous dis, c'est ce qui s'est passé juste une minute d'avoir la fin de la première. S'il y a coup franc pour nous, on prend pas le deuxième but et on gagne. Et ce deuxième but vous a coupé les jambes, hein. Il nous a coupé les jambes, il nous a coupé le moral, il nous a tout fait. Surtout que les autres en face, ils sont frais. De Rumineguez ou Brèche qui rentre. Si on tient à 3-1, à la Eric reste un quart d'heure à jouer, ils peuvent courir pour nous rattraper. Bonne balle de Platini pour Battista. À côté. Aïe, aïe, aïe, et encore une fois, Schumacher. Il n'a pas fait le voyage. Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Voilà. Ah oui. Alors, une fois, ça va, mais ça échappe chaque fois à ce corner. Oui. Oui. Marius Trésor. Oui, Marius. Reprise de volet. Oui. Ah, vous êtes... Oui. Bien joué. Giret qui marque le troisième but sur ce centre en retrait. Saint-Didier Sic. But. Et but. Réussi par Klaus Fischer. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Qui demande Rouvèche et Tori, but. Et voilà, c'est fait. On peut appeler ça alors la nuit. Alors, ben merci docteur d'avoir appuyé un petit peu tous ces propos avec un document historique que vous avez été, je crois, chercher chez vos amis de l'INA. Oui, effectivement, on retrouve ces deux voix célèbres du paysage radiophonique et désormais audiovisuel français. Hein. On espère bientôt faire un cadavre exquis avec Christine Ockrent, peut-être. Brett, je crois qu'on va rebondir, on va changer de sujet un peu, en tout cas sans transition. On va parler de notre invité maintenant, Luc Gendeur. Je pense qu'on peut maintenant donner la parole précisément notre invité Luc Gendeur pour notre rubrique Le Petit Précis du Sport qui revient pour notre plus grand plaisir, grand plaisir des auditeurs et des enfants et de Magic, du docteur qui s'impatiente. Vous nous présentez un petit peu l'invité d'aujourd'hui puisqu'on l'a entendu parler, mais je crois que vous avez... je vais le faire alors. Je vais vous laisser le présenter, oui, parce que c'est vous qui avez écrit la notice. J'ai pas écrit la notice, en fait j'ai récupéré une notice sur le site des Mécènes du Sud. Je vous nous dirai, Luc, si vous cautionnez cette notice plus tard ou pas, mais en tout cas, sur cette notice, il est écrit « J'aime les légendes. Si elles n'existaient pas, j'essaierais d'en inventer, mais je ne peux m'empêcher de souscrire aux analyses d'une raison bien documentée. » Corto Maltese, dans « Mu, une bande dessinée de Hugo Pratt, artiste et écrivain, spectateur et acteur attentif des arts contemporains. » Auteur de textes liés au romanesque, à la poésie, à l'art des plasticiens et des expositions, publication dans quelques revues, professeur assistant à l'École supérieure des beaux-arts de Marseille et personnage du milieu de l'art contemporain marseillais, voici Luc Gendeur. Pour vous, chers auditeurs, avec le petit précis du sport de ce soir. Alors, en guise de préambule, donc je voudrais remercier messieurs les animateurs de Débattons d'Anguiro de m'avoir invité à une émission radiophonique consacrée au football d'avant-garde. Mais sans vouloir gâcher l'ambiance et faire tourner la mayonnaise intellectuelle, je souhaite régler immédiatement cette dette. Je ne suis pas venu à galère comme Belzins. Je paye donc par un avertissement amical, laïque et bienveillant. Michel Drucker a commencé sa carrière en faisant des commentaires sur le football. Messieurs, attention à vous, s'il vous plaît. Je mets tout de même un bémol badin au danger et un soleil dans nos cœurs. Albert Camus et Jacques Derrida ont tous deux rêvé de devenir de grands footballeurs. Bien qu'ils ne le soient pas devenus, ils étaient tout de même très bons de la tête. En guise de prologue, en fait, je reprends finalement ce qu'ont un petit peu dit nos deux camarades qui sont à Séville. Donc l'art s'intéresse au football en tant que peinture d'histoire et scène de genre, en tant qu'opium du peuple, en tant que sujet dialectique, culture dominée, culture dominante, en tant qu'arène de la société du spectacle, en tant qu'iconographie symbolique et mythologique, en tant qu'esthétique hypermédiatique, en tant que design social à la fois néo-réactionnaire et néolibéral, en tant que sujet anthropologique pour comprendre le monde, en tant que joujou pour faire mumuse, en tant que truc qui a du succès filmant un peu ta dose radin, et aussi parce qu'il cultive la confusion des genres. Tandis que le football, lui, ne s'intéresse pas à l'art. Donc le foot ne s'intéresse même pas à l'art quand l'art s'intéresse au foot, car l'art, quand bien même il parle de foot, ne fait que de l'art. Un footballeur qui parle d'autre chose que de foot est un social traître. S'il est un peu trop tôt pour crier la victoire de la mort du football, comme l'art lui-même est mort en son temps, le devenir art de l'utopie hegelienne du football n'est pas pour aujourd'hui. Donc ensuite, je vais lire un petit texte sur une œuvre qui fait partie de la collection du Musée d'art contemporain de Marseille, donc qui nous appartient un petit peu à nous tous. Donc vous avez peut-être eu l'occasion de voir il y a quelques années au MAC, le Musée d'art contemporain de la ville de Marseille, lors d'un accrochage de sa collection, l'installation « Hooliganisme » créée en 1997 par l'artiste Malachy Farrell. Donc Malachy Farrell, c'est un artiste irlandais qui est né en 70 à Dublin et qui travaille aujourd'hui à Paris. Donc cette installation consiste en un dispositif sculptural, sonore et animé qui se déploie dans une pièce comme une scénographie de théâtre montée spécifiquement pour jouer sans acteur. Donc ça incarne un petit peu la représentation d'une farce grotesque du football. Donc on a deux petits buts qui se font face, qui sont chacun au milieu d'un tas de détritus, qui sont séparés par un rail sur lequel coulisse un ballon de football qui circule ainsi d'une cage à l'autre en ligne directe. Les buts s'enchaînent ainsi, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, comme un pas de loi. Donc à côté, on a une petite sorte de tribune en bois remplie de vieilles bouteilles en plastique vide et de canettes de bière démarquées qui convulsent à chaque fois que le ballon entre dans une cage. Le sol est jonché de billets verts. Des vieux maillots et des vêtements civils sont suspendus à un rail qui tourne autour du terrain comme une parodie foireuse de Hola. Donc hooliganisme, donc c'est le titre de l'œuvre, hooliganisme me fait penser à une sorte de gros jouet débile, comme un train électrique qui tourne tout seul, se refusant à l'enfant qui l'a reçu en cadeau. Malachy Farrell aime citer cette phrase d'Oscar Wilde, « La différence entre les hommes et les enfants tient au prix de leurs jouets. » À commencer par celui de leurs petits soldats pour jouer à toutes sortes de guerres, il faudra alors reparler du prix accordé aujourd'hui au football, et je parle de prix plutôt que de crédit. Donc cette machinerie au bricolage punk est aussi branlante et hystérique. Elle est à l'image un petit peu de notre société, c'est-à-dire grossière et vaine, mais surtout idiote, dont idiot au sens étymologique du mot, qui vient de idiotesse, qui signifie simple, particulier, unique. Toutes choses, toutes personnes sont ainsi idiotes dès lors qu'elles n'existent qu'en elles-mêmes. Celui qui existe dans le village global et qui vit paradoxalement comme s'il était ailleurs. Donc l'image critique qui est un peu mise en œuvre par Malachy Farrell, c'est celle de la déshumanisation du spectacle. Elle se révèle à travers les objets chorégraphiés, comme les vêtements, l'argent ou les bouteilles, qui évoquent l'être humain, mais dans l'omniprésence de son absence. Il n'y a en fait que donc des spectateurs, c'est-à-dire nous, qui ont payé leur place et encore qui ne peuvent venir que pendant les heures d'ouverture. L'élément peut-être qui, à mon avis, prend le plus d'importance, c'est la bande-son de l'installation. À chaque but, en fait, monte la clameur d'un stade en ébullition, mixage de sons humains et non humains qui combine les cris du public, les vociférations des commentateurs sportifs, des hurlements de politiciens et des aboiements de chiens. Donc, je ne sais pas si tu voulais passer. On vous laisse continuer, mon cher Luc. Donc, sinon, une deuxième partie sur les stades où je rebondis un petit peu sur les dessins de Géraud qui finalement montrent explicitement des stades qui se transforment en autre chose que simplement des lieux dédiés au sport, etc. Donc, si le sport s'affranchit lentement de ce qui fait sa nature et a infiltré tous les rouages de la société de façon virale comme le ferait une religion sectaire, ce n'est pas une nouveauté de voir le sport, notamment le football, comme substitut à la religion, la guerre, la compétition sociale et économique, la représentation symbolique, parfois jusqu'à en perdre le réel. Alors le stade devient hors chose qu'une architecture dédiée au football et son divertissement. Sport, spectacle, loisirs, réunions, shopping, tous les chemins mènent au Stade de France. Ça, c'est le slogan de promotion du Stade de France. Donc les formes de stade dans l'histoire récente ont évolué en plein de choses différentes. Donc ça peut être un opéra. Donc on a eu Luciano Pavarotti en 2002 au Vélodrome, en scène de rock. Bon, ça c'est quand même plus classique. Donc là il y a une petite anecdote. Donc je rappelle que pour la tournée anniversaire en 2003 de cette vieille rock'n'roll de Johnny Hallyday, Marseille a dû raquer en cadeau 200 000 euros de subvention, qui aurait sans doute fait plaisir à de nombreuses associations culturelles. Donc le stade peut devenir aussi un marché. Donc pour ceux qui ont lu, c'était dans un... Donc le stade des 10 ans du communisme à Varsovie a été commandé à l'époque par l'URSS pour l'organisation d'un festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Un stade de 100 000 places, torché en 11 mois de travaux, a été inauguré en 1955. Une fois le festival terminé, il révèle ses malfaçons. Pas d'éclairage et de vestiaires de stade. Donc par exemple, le 13 juillet 1963, un concours du saut à la perche s'est déroulé à la lumière des phares de quelques voitures installées sur la pelouse. C'est dans ces conditions que l'Américain John T. Pinnell a battu le record du monde en franchissant 5,10 m. Donc c'est peut-être un système qu'on pourrait réutiliser le lundi. Voilà. Ah oui. Puis ensuite, la nuit, donc les voyous locaux le transformaient en junk drome, lieu de débauche et de trafic. Puis ce stade a fini par être abandonné par le sport parce qu'il était accusé de porter la poisse. Et donc, il a été laissé pour une société qui l'a transformé en un marché bazar à ciel ouvert dans les années 90. Puis finalement, ce stade a été détruit pour construire à la place un stade de football ultra moderne pour l'Euro 2012. Donc, stade flambant neuf qui, ironie de l'histoire, sera probablement abandonné par les footeux, car trop cher à la location. Donc sinon, un stade peut être transformé aussi en centre de recherche. Donc le stade Marcel Saupin, celui du FC Nantes, avant la construction de la Beaugeoire. Enfin. Voilà. Ce stade a vu une de ses tribunes transformée en un institut d'études avancées. C'est un peu une espèce de sorte d'université de recherche multidisciplinaire. Ainsi qu'une maison de sciences de l'homme et une résidence hôtel, donc en 2009. Sinon, un complexe immobilier. Donc là, on rejoint aussi un petit peu des choses qu'on peut retrouver dans les dessins de Géraud. Donc en complexe immobilier, donc Arsenal reconvertit le Highbury Stadium en luxueux complexe résidentiel qui compte 725 appartements et un parc paysager qui a conservé l'empreinte exacte de l'ancienne pelouse. Donc ils ont un site internet, je peux aller jeter un œil, c'est assez intéressant. Bah, on en donnera le nom à la fin de l'émission peut-être si on y pense. Sachant que c'est donc ce stade appartient au club d'Arsenal qui donc organise cette chose pour récupérer donc de l'argent et pour pouvoir payer le nouveau stade. Donc sinon, l'ancien stade du Hartum à Zurich a été transformé en jardin potager par des riverains. Un stade de Los Angeles, le temps d'un week-end, a été transformé en dispensaire pour pauvres. Sinon, bon, des choses un petit peu moins drôles. Donc le stade de Santiago, qui a servi de camp de concentration sous la dictature de Pinochet. Ou encore le stade Buffalo de Montrouge, en Île-de-France, qui fut pendant la Seconde Guerre mondiale un centre de rassemblement des étrangers, qui était le nom poli de camp de concentration. Sinon, ça peut être aussi un champ de bataille, donc Croke Park à Dublin, le jour du Bloody Sunday du 21 novembre 1920, où les auxiliaries irlandais de l'armée anglaise tirent sur les joueurs de foot gaélique et les tribunes. Ça peut être aussi, il peut aussi servir de temple, donc là on rejoint un petit peu à sa façon la cathédrale. Donc le gourou de la secte Moon, par exemple, a organisé un mariage de 30 monstres de 36 000 couples au stade olympique de Séoul en 1995. Sinon, ça peut devenir une tribune politique et un monument aux morts. Donc c'est un souvenir là, plus personnel. Donc le 30 mars 2000, j'étais au Burkina Faso et il s'est tenu la journée du pardon au grand stade du 4 août de Ouagadougou, construit exprès pour la CAN 98. Et ce grand raout politique organisé par le dictateur local Blaise Compaoré, où il demande solennellement pardon à son peuple pour ses crimes, crimes qu'il mêle subtilement à ceux de ses prédécesseurs, puisqu'on se pardonne depuis 1960. Et surtout, c'est des crimes qu'il s'est bien gardé de reconnaître. C'est un petit peu comme s'il demandait un chèque en blanc. Et la dernière chose, c'est donc la place publique pour les exécutions capitales. On tue légalement des gens dans les stades pour la foule. Donc en Indonésie, par peloton d'exécution, c'est le spectacle d'une bonne leçon de justice. Donc par le sabre au Yémen, en Arabie Saoudite, la pendaison en Iran, en Corée du Nord, et tandis que beaucoup de pays préfèrent faire ça plus discrètement, nous autres occidentaux sommes tellement pudiques. Donc mention spéciale pour les talibans en Afghanistan, qui pendaient parfois des criminels à la barre transversale des buts durant les matchs de football, sans doute une façon de tricher, ce qui n'est pas très sport. Et bientôt, le Qatar, en guise de préparation à la Coupe du Monde 2022, organisera une autre Coupe du Monde sponsorisée par QSI, en direct sur Beansport dans sa programmation de sports extrêmes. Une grande réunion des exécutions capitales où les pays du monde entier viendront s'affronter sur les terrains de football. Petite consolation pour les condamnés, au cas où l'exécution capitale ne devient pas un sport olympique, et surtout parce qu'on ne peut participer qu'une seule fois. Ils porteront de véritables maillots floqués à leur nom, avec sponsor, 85 € à la boutique du stade, et les pelouses seront climatisées. Merci Luc. Luc Jandeur, pour vous servir. Beau final. Comment rebondir là-dessus? C'est pas facile. Peut-être en allant au stade, tout simplement. Oui, tout à fait. Il s'est passé des choses en plus. En plus. Oui, allô, vous m'entendez? Toujours aussi bien, Magic, malgré la foule qu'on sent en liesse derrière, et un docteur de plus en plus difficile à tenir sur son siège, je crois. Oui, il n'arrête pas de gesticuler, de bouger, mais c'est tout à fait normal parce que nous assistons à un match incroyable, incroyable de suspense, de qualité technique et de rebondissement. On n'a pas tout à fait entendu, alors que là, à l'instant même, encore le même Negredo et une tête dans la surface de Majorque, mais le gardien s'en empare. Je vous disais que l'intervention de Luc, nous n'avons pas pu tout à fait l'entendre correctement, puisque à la 56e minute, sur une action très construite qui était partie de la base sévillane, très simplement sur des petites passes, à une touche de balle, c'est fini sur un décalage sur le côté droit, un centre magnifique et une reprise de la tête de ce grand talent Alvaro Negredo, donc un doublé pour ce joueur et qui égalise donc pour ce match 2-2. Le suspense est à son comble, nous jouons encore la 61e minute, il reste du temps de jeu, les espoirs sont toujours là pour le public de Séville. Les intentions et les volontés sont toujours aussi avivées du côté des joueurs et voilà, nous assistons vraiment à un match d'une grande qualité technique. Je suis très content, je vous le dis personnellement, d'être revenu sur cette terre de football qu'est l'Espagne, parce que pour n'importe quel match, eh bien c'est une vraie joie, véritable spectacle. Et puis du suspense, hein. Tout à fait. Beaucoup de suspense. Alors, moi, j'aurais souhaité aussi évoquer ce qui se passe dans ce bon vieil hexagone. Hein. Avec mon oreillette, on vient de m'apprendre tout de même la victoire de Nantes 2-0 contre Dijon. Alors, tout à fait, on peut en parler. Nantes qui donc se place à la deuxième place du championnat, juste derrière l'AS Monaco que Magic avait remarquablement illustré il y a voici deux semaines. Et donc on attend un petit peu les socios nantais. Les canaris, on les appelle les canaris. Les supports, non, les joueurs sont les Canaries. On a un beau Canari ici, quoi. On en a un. Alors, bien sûr, il est évident que quand je serai rédacteur en chef de cette émission, on fera une émission spéciale sur les Canaries nantais. On réinvitera Luc, qui parle très très bien de l'ancienne enceinte qui a vu une demi-finale de Coupe d'Europe perdue contre un club espagnol, le FC Valence, au début des années 80, et un but de cet incroyable Mario Kempes qui avait réduit à néant les espoirs nantais. Mais nous y reviendrons quand je serai rédacteur en chef, parce que pour l'instant, c'est Brett, le rédacteur en chef, et c'est lui qui va nous annoncer la suite du programme. On va peut-être rester un petit peu avec Luc Gender quand même pour parler de son sec. Moi, j'avais juste entendu un truc au sujet de Hitler qui avait commandé un stade à Nuremberg parce que le stade de Berlin lui suffisait pas en nombre de places. Je crois que Berlin c'était 80 000. Il avait commandé un stade à Nuremberg de 400 000 places, je pense. Et à son fameux architecte dont j'ai oublié le nom, mais peut-être m'aider. Enfin bref. Je m'en souviens pas. Et en fait, il a juste posé la première pierre de ce stade qui n'a jamais été construit. Et ils ont comblé la fosse en faisant un lac artificiel, je crois. Qui doit d'ailleurs toujours être à Nuremberg, certainement. Mais voilà, c'était pour rebondir aussi sur. Pour finir de rebondir, avant de laisser la parole de nouveau à Luc, on avait dans une émission précédente aussi évoqué une utilisation funèbre. D'un stade, je ne sais pas si vous vous souvenez, Brett, avec cette histoire des joueurs du Dynamo Kiev qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient été sommés de perdre un match contre une équipe de SS et puis qui avaient refusé de le perdre. Voilà. Donc la légende dit que toute l'équipe a été fusillée. La réalité est de toute façon un peu ouais, de toute façon sale et triste, mais oui. Mais dans les chiffres un petit peu ils sont peut-être pas tous morts sur le stade, mais en tout cas ils ont pour beaucoup été déportés. Voilà, mais disons que là ça restait quand même dans le domaine du football, même si un certain nombre de règles avaient été rajoutées au jeu quand même. Là c'est, disons que probablement c'était voilà, c'est des règles pas forcément évidentes à jouer, hein. Bon, en tout cas, si cette Coupe du Monde au Qatar, vous l'avez prédit pour quelle année, cette Coupe du Monde des exécutions capitales? Il faut quand même un petit peu laisser le temps aux Qataris de construire leur stade et de brancher la clim. Hein. Très bien, donc on espère qu'on sera encore là à débattre en Guirou pour vous parler de cette Coupe du Monde un peu spéciale. Ça pourrait aller très très vite. Ouais. Brett, qu'est-ce qu'on avait décidé en réunion pour cette fin d'émission? Eh ben, nous avions décidé le retour de notre rubrique minute contre minute. Ah, c'est vrai. Eh oui. Ah, attendez. Au stade, il se passe quelque chose, Magic? Ou un petit moment de panique en technique, peut-être. Ah, peut-être, c'est ça, on nous fait signe en régie. Ça va me laisser le temps éventuellement de guider cette rubrique et d'éventuellement présenter l'auteur de cette rubrique. Manuel, c'est parti. C'est Jean-Roch Sibauer. Alors Jean-Roch Sibauer, selon sa fiche que l'on retrouve sur le site internet du Centre international de poésie Marseille, a le privilège de verser annuellement finance, PHYNANCE, au collège de pataphysique depuis septembre 1993, vulgaire. Ce sont ses activités dans un plus vulgaire collège qui lui octroie cette finance. Il appartient à la commission des brouillons et minutes. Il a publié dans L'Étoile Absinthe un article sur le principe d'équivalence et sur les rapports du docteur Faustroll, un des nombreux collègues du docteur Lehmann, avec Nicolas de Cues, j'espère bien le prononcer. Et dans le 23e des carnets trimestriels du Collège de Pataphysique, une élucubration sur l'éthique coyote. Il soutint un jour une ubu universitaise qui se voulait une lecture de Marcel Duchamp en pataphysicien, ce qui lui apporta comme satisfaction de pouvoir possiblement s'affubler du même titre que Faustroll et donc que Lehmann. Il naquit dans une banlieue chic du nord de Marseille, c'est tout pour l'instant. Jean-Roch Sibauer, on lui a demandé avec Brett et l'ensemble de la rédaction de Débattons dans Guirou de commenter deux livres de photos qui parlent de stades, qui photographient des stades. Ces livres de photos, Brett, ce sont... Alors il y a un premier livre qui est un livre de Hans van der Meer, ou Meer, qui s'appelle Terrain d'Europe, paysage du football amateur, qui a été édité par Steidl en 2006. Et le deuxième petit livre est très intéressant puisqu'il est écrit par Pierre Schwartz. Ça s'appelle Droite au but et le texte est de Christine Angot, ce qui est quand même pas rien. Et publié donc par l'École supérieure des beaux-arts de Marseille en 98. On remercie Pat qui nous a fait le prêt de... C'est pour qui Pat. Nous écoute certainement. Cette rubrique est pour Pat. On écoute le la chronique de Jean-Roch. La chronique de Jean-Roch Sibauer. Ces deux ouvrages, vous m'avez filé, de photos de foot. Donc un de Hans van der Meer, Terrain d'Europe, où c'est paysages du football amateur, format à l'italienne, et des très belles histoires à chaque page, des décors, des micro-tragédies, des actions. Voilà, un beau livre sur le foot, son environnement, et surtout sur la belle notion d'amateurisme. Il y en a une, ça doit être dans un patelin français, il faudrait que je la retrouve, avec un, où il y a juste deux personnages, où il y a un qui vient de mettre le but et qui s'en va avec une fierté toute contenue et un goal effondré, mais je vais pas la retrouver. Je ne sais plus où, en plus, derrière, il doit y avoir une église ou un... Donc voilà, celle-là. Celle-là qui est très belle, avec cette brume, cette espèce... ben non, c'est en Belgique. Voilà, la brume, les peupliers morts, le petit village, qui a l'air d'être un trou absolument infect, les poteaux de bois derrière les cages et... Et ça sent un terrible dimanche matin. Voilà, et on sent le terrible dimanche matin, on sent qu'il vient de se passer quelque chose de terrible dans, dans l'attitude, ce goal-là. On a l'impression qu'il est en train de s'agenouiller devant le ballon qui est dans la cage, et lui qui a une joie très retenue, on va dire, et très boueuse d'avoir marqué le but. Voilà, donc celle-là, j'ai trouvé assez représentative de... Bah c'est bien, là, c'est voilà de toutes les micro-tragédies superbes du dimanche matin qu'il y a dans ce livre. Voilà. Mais tu, et, tu... Pas, et pour un ballon qui n'est pas ovale, ouais. C'est quand même pas mal. Et à côté, un autre livre où les photos sont très belles, des photos de cages abandonnées dans des terrains vagues, en noir et blanc, avec toujours le même cadrage. Mais surtout un livre accompagné d'un texte absolument merveilleux, de la merveilleuse Christine Angot. Donc on a, je ne sais pas, il y a peu de pages, mais c'est trop long, il y en a 6. Voilà, et c'est hallucinant, c'est l'espèce de putasserie écrivassière ignoble. J'ai quelques extraits. Le but, le coup de pied, le pied, buté, la balle, la boule, la tête. Le coup de tête, le coup de pied. Voilà, et comme ça, pendant 6 pages, voilà, de quoi réjouir sans doute les Inrock ou le Libé des livres. Et voilà, avec cette espèce, alors voilà, on a d'un côté des amateurs qui s'éclatent, et là, on a l'espèce de posture ignoble, avec où on essaye de faire passer l'emmerdement pour un style, où on essaye de faire croire que le vide cache une pensée. Voilà, ils en sont venus à me dire que ça commentait assez bien peut-être ces cages, puisqu'il n'y a pas de filet sur les cages, et je pense que c'est le super ventilo de vide de la pauvre Angot qui les a arrachés. Voilà, un texte à lire absolument, et des photos à regarder avec attention. À l'occasion. Non, parce que c'est chouette, hein. Ouais. C'est tout Angot en quelques... Mais c'est vrai, il y a le Viagra, la première page, une petite fille violée à un moment, il en faut. Et dans pour celui-ci, que ce soit sans concession, est génial. Tu nous relis un petit passage alors, peut-être juste, Mais je sais pas, je vais lire un passage que j'ai pas lu. La fin. Ouais. La fin, mais ça devrait jamais finir, des trucs comme ça. Le petit périmètre devant la cage de but. Très critique, surface très chaude, le danger est proche, le but immédiatement reconnaissable, c'est chaud, c'est très très chaud, ce n'est pas du tout une situation ordinaire, des gens se sont retrouvés par terre, le but est reconnaissable, l'air me manque et parfois même pas une portion de ciel. Et c'est donc signé tout de même Christine Angot. Il faut répéter ce nom, parce qu'à la radio, en ce moment, il faut répéter ce nom dès qu'on prétend parler de bouquins, voire même de littérature, paraît-il. Eh bien, on remercie Jean-Roch. Merci Jean-Roch, et c'est toujours un plaisir sans nom que de casser du sucre un peu sur Christine Angot. Pour parler poliment. Oui, très poliment. Mais notre émission touche à sa fin, mon cher Brett, je crois bien. En tout cas, nous avons épuisé tous nos. Le temps de retourner au stade, peut-être, parce que je crois bien qu'au stade, on va peut-être avoir l'interview d'un invité surprise qui, je crois. Dans ma caméra de contrôle, voir que quelqu'un vient d'arriver. Magic, docteur, quelqu'un est venu vous rendre visite au stade. Un mustachero, comment on les appelle. Mustachero, ou le sosie d'un grand acteur français. Écoutez, 70e minute de jeu pour l'instant, toujours 2-2, et ça a l'air de le passionner également, mais je vous laisse découvrir notre invité spécial. Si. Écoutez, c'est magnifique. Le match se passe comme sur des roulettes, si je puis me permettre l'expression. Un match à l'espagnol, hein, où la technique est déployée au service du jeu. Et parlant technique, je reviens précisément des toilettes, où j'ai vu une technique déployée au service de l'humain. Les lumières s'allument toutes seules. Mais ce n'est rien comparé à ce match. Regardez cette passe bien centré, et personne ne la reçoit malheureusement, mais ça reste un beau match. Et je crois qu'on va demander au docteur de traduire, parce qu'évidemment nos auditeurs ne comprennent pas forcément la langue de Cervantes. Et oui, donc il s'agit d'un relativement connu latéral droit, donc de l'équipe qui joue le lundi. Ravnić, qui, comme l'indique son nom de famille, est ch'ti. Voilà. Donc, d'où comment dire. L'homme est décontenancé par le spectacle qu'il voit ce soir, trop habitué aux tribunes du stade Félix Bollaert, et on comprend bien qu'il soit bien heureux de nous accompagner. C'est une excellente surprise pour nous tous. Je laisse la parole à Magic qui pourra nous raconter mieux que moi ce qui se passe en direct. C'est à le temps. Oui, un petit centre. Corner pour Séville. Nous jouons la 71e minute de jeu. La pression est toujours sévillane sur Majorque. Mais qui encaisse bien. Ah non, une petite décision de l'arbitre qui décide que ce ne sera pas un corner, mais un renvoi aux 6 mètres. On voit toute la déception du joueur qui avait obtenu le corner en réalité. Et voilà, et c'est reparti. Écoutez, les deux équipes ont fait rentrer deux joueurs remplaçants. Il reste encore une dernière cartouche à jouer du côté des deux équipes. Toujours 2-2. Le public sévillant n'en peut plus. Voilà, un dégagement du gardien. Voilà, ça commence à jouer à l'italienne du côté de Majorque, où les joueurs, à chaque fois qu'ils sont touchés, tombent à terre, réclament un carton, réclament une faute, gagnent du temps. Parce qu'il faut savoir que pour Majorque, 2-2 sur le terrain du Sanchez Pizjuan ici, eh bien, 2-2, c'est un excellent score. Et donc, depuis quelques minutes déjà, tous les joueurs, à chaque fois qu'ils sont touchés par un joueur sévillant, eh bien, tombe par terre et réclame une faute. Voilà, le jeu est arrêté. Les publics, les spectateurs commencent à huer chacun des joueurs qui tombent à terre du côté de Majorque. Mais on ne s'empresse pas beaucoup plus. On essaye de construire toujours du côté sévillant. Voilà, toujours 2-2. Il n'y a pas d'action très dangereuse, mais voilà. Est-ce qu'on peut repasser peut-être la main à notre invité spécial? Oui, bien sûr. El Ravnić va nous donner un peu son impression sur cette fin de match. Si, c'était un très bon match jusque-là. Les Mallorcains aiment bien le gazon, à ce qu'on peut constater sur le terrain. Cela dit, nous allons laisser la fin d'émission à la musique, si il y a bien compris ce qui se passait. Ben, le temps pour nous de conclure et de remercier le temps imparti est en partie. Voilà, tout à fait. Le temps pour nous de conclure cet épisode de Débattons d'Anguirou, de remercier nos envoyés spéciaux au stade qui vont suivre pour vous encore via notre blog la fin de cette rencontre haletante. Donc on leur dit à bientôt. Abandonne là-bas, quoi. Écoutez, nous on n'est pas malheureux ici, on va suivre à la fin du match tout tranquillement. Jesús Navas sur le côté gauche qui centre, Negredo qui se fait contrer, dégagement de la défense mallorcaise, et la pression est toujours sévillaine. Mais on va rester ici, on va regarder le match, il n'y a pas de problème. Bonsoir à tous les téléspectateurs et merci encore beaucoup. Merci et bravo à vous, surtout. Bonsoir à tous. Bonsoir docteur, bonsoir Magic. Brett, on va remercier notre invité de ce soir, Luc Jandeur, qui a été particulièrement formidable. Merci Luc, et vous reviendrez peut-être une prochaine fois. Volontiers. Très bien. Vous voulez depuis longtemps, vous êtes venu et vous reviendrez, j'en suis sûr. Alors, que dire avant de conclure, Brett, on rappelle le blog de Débattons d'Anguirou, où bien sûr cette émission ainsi que toutes ses chroniques seront très bientôt. Dès demain. Alimentées. Le blog, ça s'appelle. Donc http ainsi de suite, débattonsdanguirou.postrousse.com. Tout à fait. On signale que la prochaine émission de Débattons d'Anguirou ne sera pas dans 15 jours, mais dans 3 semaines, puisque nous intervenons les deuxièmes. Oh, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Et le but! Et le but sévillant! À la 73e minute, un dégagement sur un corner de la défense mallorcaise et une reprise de volée de l'extérieur de la surface. Et voilà le troisième but que tout le peuple sévillant réclamait depuis tant. Et voilà 3-2 par la recrue. Brésilienne du FC Séville, Chichinho, un pied gauche magique qui frappe et qui est légèrement contré et qui va battre le gardien mallorquais 3-2. Je vous l'avais dit, le championnat espagnol est le meilleur championnat du monde et on se régale ici au stade Ramon Sánchez Pizjuán. Merci beaucoup, merci à tous et bonne soirée. Et rien de mieux pour conclure, on se quitte en musique. Un dernier morceau de Jadfer, de ce toujours même label qui s'appelle. J'ai oublié depuis le début de l'émission. C'est terrible. Les disques en retard. Les disques en retard réunis, voilà. À dans 3 semaines, chers auditeurs. À bientôt, merci Manuel. Merci Brett. Et merci tout le monde, merci Radio Galère.